Bonjour à tous et bienvenue dans Brexit Stories. Ce mercredi, la Première ministre britannique Theresa May a fait son discours de clôture lors du congrès annuel des conservateurs. Il faut dire que l'on attendait avec impatience son discours, car elle a été très critiquée par les Brexiteers Boris Johnson et humiliée par les 27 autres chefs d'État européens lors du sommet à Salzbourg en Autriche la semaine dernière. Son entrée sur scène à Birmingham fut très remarquée. La conférence des conservateurs a été dominée bien évidemment par le Brexit. La première ministre britannique a appelé les Tories à l'unité pour réussir les négociations à 6 mois de l'entrée en vigueur du Brexit. Si nous gardons notre calme, je sais que nous pouvons obtenir un accord satisfaisant pour le Royaume-Uni, a-t-elle affirmé. La veille du discours de Theresa May, Boris Johnson l'a critiqué et a demandé au gouvernement de balancer à la poubelle son plan pour la sortie de l'Union européenne. Je vous propose de l'écouter en version originale. This is the moment to chuck checkers. Oui, chuck checkers. Alors, Theresa May, elle a continué, nous entrons dans la phase la plus difficile des négociations, a poursuivi Madame May. Je crois passionnément que le meilleur est à venir et que notre futur est plein de promesses. Elle a de nouveau défendu son plan Chequers, malgré des critiques des Brexiteers comme Boris Johnson, son ancien ministre des Affaires étrangères, David Davis et beaucoup d'autres personnes de son parti, et son rejet la semaine dernière par l'Union européenne. Vous vous rappelez, les 27 chefs d'État européens ont critiqué son plan Chequers. Alors, selon la première ministre britannique, cette proposition est dans l'intérêt national et respecte le résultat du référendum de juin 2016. Alors, qu'est-ce que c'est le plan Chequers? Alors, le plan Chequers, c'était un plan pour le Brexit décidé en juillet 2018, donc il y a quelques mois. Et donc ça a été décidé par tout le gouvernement. Tout le gouvernement était réuni en conclave, comme on dit, dans la maison de vacances de Theresa May à Chequers, donc d'où vient le nom Chequers en fait. Et donc le lendemain, David Davis, le ministre du Brexit, a démissionné et le lendemain, Boris Johnson a démissionné. Donc ce plan Chequers, en fait, prévoit de conserver une relation commerciale étroite en maintenant une réglementation commune sur les biens industriels et produits agricoles. Les dirigeants de l'Union européenne lui ont demandé de revoir sa copie d'ici le 17 octobre. Et le prochain sommet européen en novembre. Malgré les ovations de ses ministres à la fin de son discours, Theresa May sort donc renforcée, mais son avenir en tant que première ministre est toujours très incertain. Ce congrès des Tories est plus divisé que jamais.